Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone d'Annie Veilleux. On va parler évidemment de Marie Besson qui s'est distinguée au championnat canadien qui se déroulait à Calgary, au championnat canadien de judo. Besson qui était surclassée pour la circonstance a gagné sans problème dans les moins de 52 kilos. Vendredi, on a parlé avec Gilles Bouchard qui a mené son équipe à la victoire à la Coupe du Président. L'équipe des Huskies de Rouyn-Noranda ont gagné 7-2 sur les Cataractes de Shawinigan pour gagner leur laissez-passer pour Red Deer. Et Gilles Bouchard reconnaît quand même que c'était une série pas facile, même si les Huskies l'ont remporté en 5 matchs. On va écouter là-dessus l'entraîneur-chef des Huskies, Gilles Bouchard. Bon match, là, mais je pense que quand les Huskies jouent à la hauteur de leur talent, de leur niveau, je pense qu'on avait un avantage. On avait un avantage sur Shawinigan. Mais c'est une série qui aurait pu quand même aller d'un bord et de l'autre. Mais on a remporté des matchs importants chez nous en partant. Ça nous a donné du momentum. Puis on a échappé le match numéro 4 à Shawinigan. Ouais. Qui pense que hier, c'était toute une performance de notre équipe. Là. Ça a été. Et dans un deuxième temps, Gilles Bouchard connaît qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'ambiance à l'aréna de Rouyn-Noranda jeudi soir. Hier, c'est tu ne nommes pas hier. Ben oui! 3-2, tu t'en vas chez Onigan. Fait que, je pense que c'était pas la meilleure situation, mais les gars, ils avaient décidé d'en terminer hier. Puis, ils étaient pas tous à peu de soir, les Huskies. Ouais, hier, ouais. Ils ont vraiment joué la Huskies game pendant 60 minutes. Puis, c'était formidable. Il y avait de l'ambiance ici, mon ami. Là, t'aurais même pas cru à ça, là, le bruit qu'il y avait dans l'amphithéâtre. Et il reconnaît que c'est un impact majeur pour l'équipe des Huskies, le fait qu'ils vont participer à la Coupe du Président.